Brie sur le vif. Écoutez. Dans combien de temps ma voiture sera-t-elle prête? Il faut compter une bonne semaine. Mais j'en ai besoin pour mon travail. Je ferai mon possible, mais je dois commander les pièces de rechange. Si je les commande aujourd'hui, elles n'arriveront que jeudi. Le temps de les monter, je vous livrerai votre voiture samedi matin. Répétez. Dans combien de temps ma voiture sera-t-elle prête? Il faut compter une bonne semaine. Mais j'en ai besoin pour mon travail. Je ferai mon possible, mais je dois commander les pièces de rechange. Si je les commande aujourd'hui, elles n'arriveront que jeudi. Le temps de les monter, je vous livrerai votre voiture samedi matin. Écoutez. Allô, l'agence Hertz? Oui, monsieur. Je veux louer une voiture pour quelques jours. Quel genre de voiture? Une petite voiture, Renault 5 ou 104 Peugeot. Comme vous voulez, nous avons ces deux modèles. De quand à quand aurez-vous besoin? Je la prendrai mardi matin et je la rendrai samedi soir. D'accord. C'est à quel nom? Verrier. Finalement, quelle voiture préférez-vous? Une Renault 5. Au revoir, monsieur. Répétez. Allô, l'agence Hertz? Oui, monsieur. Je vais louer une voiture pour quelques jours. Quel genre de voiture? Une petite voiture, Renault 5 ou 104 Peugeot. Comme vous voulez, nous avons ces deux modèles. De quand à quand aurez-vous besoin? Je la prendrai mardi matin et je la rendrai samedi soir. D'accord. C'est à quel nom? Verrier. Finalement, quelle voiture préférez-vous? Une Renault 5. Au revoir, monsieur.